Chapitre 49e. Une vieille correspondance. Dutilleul s'était senti si mal en rentrant de Fleury que ce fut presque avec plaisir qu'il reçut Lotte et Capring Rivet. Bien sûr, le sujet était trop grave pour lui offrir la moindre détente, mais au moins, cela lui changerait les idées. Lotte et Capring Rivet n'était pas à proprement parler une jolie femme, mais elle n'était cependant pas dénuée de charme. Elle était très grande, solidement bâtie. Les épaules larges annonçaient certainement une nageuse émérite. Sa tenue décontractée, sans recherche excessive, cadrait assez bien avec son allure sportive. Les mains étaient larges elles aussi, les doigts courts et les ongles non vernis coupés à ras. Sur l'instant, il ne parvenait pas à se la représenter en secrétaire. Elle avait dû sacrément détonner chez Petroleus, à moins qu'elle n'ait possédé des compétences irremplaçables. Avec elle, Dutilleul sentit d'instinct qu'il était inutile de prendre des détours. Pour une fois, cependant, sa visiteuse le prit de court en lui tendant sans façon une grande enveloppe marron. « Je vous ai apporté les lettres. Il faut lire les lettres, monsieur le commissaire, pour comprendre. Je vous les ai traduites. Nous avions pris l'habitude de nous écrire en allemand parce que c'était plus sûr. Il ne le parle pas. » Dutilleul nota que, malgré les nombreuses années passées en France, Lotte Capring-Rivet n'était pas parvenu à se débarrasser tout à fait de ses inflexions germaniques. Le débit de parole était un peu cassant. Il ne lui sourit pas moins afin de la mettre à l'aise, car il la sentait très tendue. Il avait l'impression d'avoir devant lui un animal pris soudain dans les phares d'une voiture. « Moi non plus, » répondit-il avec reconnaissance. « Je vous en remercie d'autant plus. Ainsi, vous étiez l'ami de Marike von Gunberg ?» Lotte Capring-Rivet sourit tristement. « Je le suis toujours, monsieur le commissaire. Lisez les lettres. Je reprendrai contact avec vous quand vous aurez lu les lettres. » Lotte Capring-Rivet quitta le bureau de Dutilleul aussi vite qu'elle y était entrée. Comme c'était une supplique, Dutilleul n'avait plus qu'à s'exécuter. Libreville, Gabon, septembre 1968. « Ma chère Lotte, je commence enfin à trouver mes marques sur ce continent. Autant te dire que l'installation fut mouvementée et que les premiers temps n'ont pas été faciles. Ici, il fait une chaleur infernale. Je me sens constamment sale et pas seulement physiquement. Heureusement, Armand se montre très attentionné et patient. Il m'a dit qu'on avait toujours cette sensation au début, mais qu'à la longue, on s'y fait. Il m'a dit de ne surtout pas m'inquiéter. Il pense que ma famille me manque. Je ne cherche pas à le détromper. Mon cœur est devenu glace. Je ne ressens plus rien, ou plutôt si, une sorte d'engourdissement. La chaleur extrême me fatigue, même si je dois bien reconnaître que nous sommes plutôt bien installés. Les locaux se montrent très méfiants vis-à-vis de nous. De toute façon, très peu sont acceptés dans notre périmètre surprotégé. Pour entrer ici, il faut vraiment montrer patte blanche. Le domaine est très beau et très bien entretenu. Je m'y promène un peu le soir, à la fraîche. Pour l'instant, je ne me suis pas encore trop lié avec les autres expatriés. Je passe pour un objet de curiosité aux yeux de beaucoup, mais je m'en moque. S'ils savaient seulement vers quoi se tournent mes pensées. Je ne cesse de penser à mon petit ange demeuré seul à Paris. Bien sûr, je suis soulagé que tout se soit bien passé. Je ne te remercierai jamais assez pour ton aide. Cette Josette Roset semble vraiment être la personne de la situation. Je suis contente de savoir que le trousseau fait merveille et que Marie est bien soignée. Rappelle-toi les soins que nous avons mis à le constituer. Cela m'ôte un grand poids de savoir qu'elle n'a pas l'air de trop souffrir de la situation. Tu me rapportes qu'elle est très sage. À vrai dire, je n'en suis pas surprise. Je me suis efforcée d'en faire un enfant facile et obéissante. Je suis simplement contente que mes efforts portent leurs fruits. Elle me manque horriblement à chaque instant, car la plaie est encore à vif, mais je me range à ton avis. Il vaut mieux que tu ne prennes pas de photos d'elle, car cela pourrait amener des questions gênantes. Je ne veux vraiment pas peiner Armand. Qui sait comment il pourrait réagir s'il apprenait l'existence de Marie? Non qu'il soit violent, c'est même tout le contraire, mais il en serait certainement meurtri. Il est si heureux que je ne désire pas d'enfant. Libreville, Gabon, avril 1969. Ma chère Lotte, ici la chaleur est plus accablante que jamais. Peu à peu, je construis notre intérieur. Je l'africanise, ce qui surprend énormément la petite colonie d'expatriés que nous formons. L'artisanat local est magnifique. Heureusement pour moi, et tant pis pour les autres. Armand partage mon inclination pour les artefacts tribaux. Nous avons déniché quelques très belles statues. J'aime aussi beaucoup certains tissus. Petit à petit, je me familiarise avec la société qui m'entoure. Il y a beaucoup de familles avec enfants. Quel choc culturel ils doivent ressentir. Curieusement, ce sont les plus petits qui s'habituent le plus vite, sans doute parce qu'ils n'ont pas d'autre point de repère. Quelques nounous locales ont été engagées pour suppléer ces dames, trop accaparées par les diverses réceptions pour s'occuper de leur progéniture. Ici, dans ce microcosme, le paraître semble être le plus important. On cherche à tout prix et contre toute raison à préserver le mode de vie français. Les hommes ne tombent que très rarement le costume, alors que ceux-ci les étouffent littéralement. Tu peux imaginer tout le ridicule de la situation. On m'a proposé de donner des cours d'allemand et d'anglais, mais pour l'instant j'ai décliné. Ce serait me positionner dès le début en inférieur et au final, mon statut ne serait guère supérieur à celui des femmes de chambre locale. On me traite en étrangère, mais je n'en souffre pas, car la société réunie n'est pas des plus brillantes. Ces dames s'ennuient à longueur de journée et en deviennent méchantes. Où elles me surprennent vraiment, c'est qu'elles n'ont vraiment aucun désir de découvrir les alentours. Pas question de se mêler si peu que ce soit à la population autochtone qui est qualifiée au mieux d'arriérée. Inutile non plus de vouloir consommer les mets du cru. Le docteur Fournier ne cesse de répéter que nos estomacs européens ne résisteraient pas à une préparation douteuse. C'est exagéré, mais j'ai noté qu'il y avait de réels problèmes de conservation. Le plus dur est de devoir se contenter d'eau en bouteille, et je t'avoue humblement que je commence à prendre le riz en grippe. Je suis heureuse de savoir que le joli manteau écossais va si bien à Marie. J'espère qu'il lui fera deux saisons. Merci encore pour tes récits détaillés si amusants. À ce que je comprends, elle est très appréciée. Si jamais tu parvenais à visiter l'institution, n'oublie pas de me le faire savoir. Je me sens si misérable de ne pouvoir contribuer, si peu que ce soit, à l'entretien de Marie. Dire que je ne peux même pas lui envoyer le moindre cadeau d'anniversaire. Le courrier est si aléatoire et surtout si lent. Libreville, Gabon, juillet 1969. Ma chère Lotte, 1 an déjà que mon petit ange est loin de moi. La nuit dernière, je n'ai pu m'empêcher de pleurer à chaudes larmes. Je me sentais si ridicule. Je savais parfaitement que je pleurais sur moi et je ne m'en haïssais que plus, d'autant que je sais pertinemment que j'ai pris la bonne décision. Je ne pouvais lui imposer de porter des noms que je vomis tant moi-même. J'ai reçu un courrier assez inquiétant de grand-mère. Papa semble continuer à remuer ciel et terre pour me retrouver. Heureusement, pour l'instant, personne ne semble avoir craché le morceau. J'ai trouvé grand-mère bien fatiguée, mais elle tient fermement la barre. Que Dieu l'ait en sa sainte garde le plus longtemps possible. Je sais que je n'ai guère le droit de lui demander grand-chose, après tout ce que j'ai fait. Mais je n'en continue pas moins à prier pour elle, ainsi bien sûr que pour mon petit ange. J'espère tant qu'elle n'aura pas à payer le fruit de mes erreurs. Libreville, Gabon, mai 1972. Ma chère Lotte, j'avoue que ta dernière lettre m'a non seulement fait beaucoup rire, mais m'a apporté sa dose habituelle de baume au cœur. Ainsi donc, mon petit ange portait un short la dernière fois que tu l'as vu. Si la chose n'était pas si dangereuse, j'aurais bien aimé avoir une photo. Je suis heureuse de voir qu'elle aime le sport et qu'elle n'hésite pas à jouer au ballon avec les garçons. Au moins, elle n'est pas une poule mouillée. Je suis également très contente d'apprendre qu'elle demeure bien polie. Dire que l'an prochain, elle fêtera déjà ses 10 ans, cela me fait tout drôle. Le plus dur est de se résoudre à ne pas la voir grandir. Elle était si mignonne dans sa petite robe rouge. Est-ce donc la seule image que je conserverai d'elle? Je sais bien que je suis la seule à blâmer, mais je n'en souffre pas moins terriblement. J'ai appris récemment qu'Olaf est toujours en Iran et qu'il a l'air de s'y plaire, puisque la famille s'est encore agrandie. Pour quelqu'un qui n'avait que le mot divorce à la bouche, il semble que la situation se soit spectaculairement rétablie, à moins bien sûr que madame ne le tienne sévèrement en laisse. Maintenant qu'elle est revenue dans la place, ce doit être beaucoup plus facile. Si c'est le cas, elle doit être beaucoup moins bête que les propos de Laffe ne le laissaient présager, à moins qu'il ne puisse toujours pas se passer des subsides conséquents versés par la belle famille. J'ai appris qu'il était installé dans une grande villa. Je sais qu'il se fiche complètement de moi à présent. Je fais partie d'un passé à oublier. Si Marie ne s'était pas montrée, je ne serais sans doute rien de plus que l'une des nombreuses passades de monsieur. Ne crois pas un seul instant que j'en sois devenu amer. J'ai eu ma part de rêve. Dommage seulement qu'il ait été si éphémère. Pointe-Noire, Congo-Brazza, janvier 1973. Ma chère Lotte, nous voici donc à Pointe-Noire. Armand a dû reprendre au pied levé l'exploitation de plusieurs puits de pétrole et j'avoue qu'avec le déménagement, je n'ai guère eu le loisir de répondre à ta lettre, pourtant si détaillée et si réconfortante. Non que je n'en avais pas le désir, mais il faut que je t'annonce quelque chose. Armand m'a fait sa demande et j'ai décidé de l'accepter. Il était si touchant. Il m'a offert un superbe dîner dans un hôtel anglais très réputé et nous avons passé une merveilleuse soirée. Nous ne détonnions absolument pas dans le décor. J'avais mis une robe un peu longue en lin grège et un joli chapeau de paille à voilette. Nous avons bu un excellent torquet. Nous avions vraiment l'air de deux colons avec nos peaux toujours malmenées par le soleil. Je dois aussi te dire que j'ai pris la décision irrévocable de me faire ligaturer les trompes. J'ai trouvé le chirurgien qui pratiquera discrètement l'opération. Armand doit partir quelques jours en inspection, alors autant en profiter. L'homme choisi est réputé pour avoir la main sûre et être sobre, du moins lors de ses interventions, ce qui est assez rare ici. Naturellement, il est cher, mais je m'en moque. Je ne désire pas mettre d'autres maris au monde, car il serait injuste d'offrir à un autre enfant ce que je n'ai pas pu lui offrir, à elle. Il est hors de question de livrer au vent d'autres paquets. Si la France n'était déjà pas idéale, ici, ça serait les livrer à une mort certaine, ou à une vie que tu ne peux imaginer. Grâce à Miranda, une femme incroyable implantée ici depuis des années, je découvre peu à peu l'envers du décor. Elle a courageusement ouvert un dispensaire malgré toutes les oppositions qu'elle a dû affronter. Je l'ai visité, j'ai vu des choses épouvantables. Beaucoup de femmes violentées ou estropiées. Elles se raccrochent à Miranda comme si elle représentait leur dernier salut. J'ai décidé de dépasser mes répugnances et d'aller l'aider deux ou trois fois par semaine. Bien sûr, au départ, je ne pourrais pas faire grand-chose, mais, crois-moi, je compte bien apprendre. Dutilleul interrompit sa lecture. La nuit était tombée sans même qu'il s'en aperçoive. Il se sentait endolori, mais cette fois Mado ne le masserait pas, car c'était son soir de sortie. Le mieux était de rentrer à l'appartement. Il reprendrait sa lecture plus tard. Il voulait y porter le plus d'attention possible. Il était ému de voir combien Marie Kevin Gunberg avait aimé Marie. Elle n'était visiblement pas une femme de demi-mesure. Il s'en voulait de ne pas avoir compris plus tôt. Cependant, son intuition avait été la bonne. L'abandon avait été soigneusement planifié dans ses moindres détails. Josette Roset avait visiblement été très soigneusement sélectionnée et Lotte Kipring-Rivet avait été chargée de surveiller le bon déroulement de toute l'opération. Dutilleul aurait légitimement pu en ressentir de la révolte si Mareke von Gunberg n'en avait tant souffert dans sa chair. L'inconstance d'Olaf Christiansen avait laissé deux victimes au bord de la route. S'il en avait eu le pouvoir, il l'aurait convoqué sur le champ. Il ne pouvait s'empêcher d'être amer, car une fois encore, Henri Castex avait eu raison sur toute la ligne. C'était si facile de planter des graines et surtout de bien se garder d'assumer derrière. Il aurait voulu disposer de plus de temps, afin de mener des recherches approfondies sur ce géniteur inconséquent. Combien de paquets avait-il semé en route? Pourquoi Marieke von Gunberg avait-il dû assumer seule la facture finale? Surtout, pourquoi était-elle tombée sur le seul homme, Armand, à qui elle ne pouvait pas faire partager son secret? Était-elle si vulnérable? Sans aucun doute, elle avait vu en Armand son unique porte de sortie. En quittant la France, elle avait perdu son travail ainsi que son indépendance. Elle-même était devenue un paquet. Dès lors, il avait bien fallu se raccrocher quelque part.